Et on a aussi Nelson, bonjour Nelson. Salut les gars. Oh. Ça va? Ça va, on m'a dit qu'on allait parler de l'OM, alors je suis venu. Donc Nelson, vas-y là, donc pour info, l'émission enregistrée donc un jour avant la finale Marseille-Atlético, donc on est dimanche. Qu'est-ce que t'as pensé de la finale? Dimitri Payet, incroyable. Ce but à la 87. Il va se blesser à l'échauffement.